manquer ta batterie. Thank you. on, come on, come on, yeah. This down to touch you, you're pointing.

Allez, danse. Allez, danse. Allez. Thank you. J'ai pas lu ce que tu marquais, attends, je vais voir. Benji, tu sais, machine, c'est de la merde. Ouais, c'est vrai. you away. And if we're sipping, what's the skate? A day without me won't ever the fade. Like you're the feeling when I'm feeling you left behind. Last time my ego looked from the outside. The world left behind. Oh, on this world I left behind. No, don't know what they hide. And didn't let go. Studying the lost eyes of my ego. Look from the outside. Won't you work? We're left behind in the world of their behind. While they hide and then let it go. But I'm left behind. Shed a tear. Ouais, j'ai pas de talent. Tonalité studio, c'est quoi ta tonalité studio? Ma tonalité, eh bien, je m'inspire surtout de la tienne aussi. Mais tu peux garder, garde ta tonalité, garde la tienne, ne prends pas la mienne. I'm looking for c'est ça qu'il faut. Studio. The bright in the morning light, the way we sleep from us at this time. Ouais, mais moi. Le riff que tu faisais était très d'accord, bien. D'accord, d'accord. Il avait une petite mélodie. Yo, studio DJ. Ah, si tu peux me parler en anglais, s'il te plaît. Non, comme tu veux. Moi, je peux... Ça existe. Ça existe. Sur ton beat. Enfin, sur le riff. Ouais, j'ai fait une compo. Là. Écoute, j'ai fait une compo. Ou sur le basse. Oui. The bright moon light. Fabuleux. Ouais, c'était un, c'est une basse que je viens d'inventer. Ouais, elle me plaît beaucoup. Elle est formidable. Four. shadow and tall trees. Life at the window, little school pain. Mrs. Brown, what she'd always say. I was a sweet train, a tragic comedy. I walk home again.